طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قوله واعلم أن التفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. Ensuite, donc après avoir expliqué la bonne compréhension que l'on doit avoir de la présence d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque dans plusieurs versets ou lorsqu'il est évoqué dans plusieurs paroles prophétiques qu'il est avec nous, que cette présence-là, ce n'est pas la présence de son être, mais c'est la présence de sa science, de sa suprématie, de son audition, sa vision ou autre. Kama taqaddam. Donc après avoir évoqué cela, là il te dit, sache que l'explication concernant la présence d'Allah est prise du sens apparent. On n'a pas modifié le sens apparent des textes. Il est pris, ce sens, il est pris de ce qu'il en ressort du caractère apparent et qui convient à Allah Azza wa Jal. Et ce sens-là ne contredit pas les autres textes qui affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé, son être est élevé au-dessus du trône, et cela, comme on va le démontrer, à travers trois points de vue. Donc c'est les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen qui va te montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous et qu'il soit, de par son être, au-dessus de toute chose. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك. Donc, premier point de vue, il s'agit de dire que, tout d'abord, pourquoi il n'y a pas de contradiction ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regroupé dans un même verset le fait d'être à la fois au-dessus de toute chose et le fait d'être à la fois présent avec ses serviteurs. Donc, si Allah il a rassemblé ces deux attributs dans un même verset, ça sous-entend bien sûr qu'il n'y a nulle contradiction, qu'il n'y a nulle contradiction en cela. Les قوله تعالى أفلا يتدبرون, et sur le Sémin il explique, il dit, et si jamais tu penses qu'il y a dans un verset du Coran une quelconque contradiction, alors médite-le bien jusqu'à ce que cette contradiction se dissipe et jusqu'à ce que tu atteignes la compréhension juste. لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Et ceci en vue de la parole d'Allah عز وجل où il dit, pourquoi ne médite-t-il pas le Coran? S'il le méditait, alors il se serait aperçu que, si ce Coran était ou provenait d'autres que d'Allah Azza wa Jal, ils auraient trouvé énormément de contradictions. Ils y auraient trouvé énormément de contradictions. فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكْ فَعَلَيْكَ بِطَرِيقِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ الَّذِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Et si toutefois, malgré que tu t'efforces de méditer le verset, tu n'arrives pas à avoir une conclusion positive, alors tu te dois de suivre la voie des personnes ancrées dans la science, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'évoque, ceux qui ont dit, nous avons cru, et tout ce qui nous vient de ce livre provient d'Allah Azzawajal. Nous l'affirmons comme il l'a dit, sans forcément rentrer dans les profondeurs des sciences. Il nous a dit, il est élevé, on dit, il est élevé. Il nous a dit, il est avec nous, on dit, il est avec nous. Tamam. Et nous, on rentre maintenant dans la profondeur de l'explication. Ça, c'est si toutefois, on n'arrive pas, avec la méditation, à atteindre le sens juste. تمام ولكن الحمد لله أن العلماء متوفرون وهم الذين يفهمون للناس ما أشكل عليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens de science si toutefois vous ne connaissez pas. Donc, alhamdoulilah, même si certains versets te sont ambigus, tu as toujours des personnes vers qui tu peux revenir pour demander clarification. Non. Mais si toutefois tu trouves personne, alors là, tu te dois d'appliquer cette règle. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Nous avons cru en ce qui nous a été révélé. Et tout cela provient d'Allah. C'est-à-dire, tu l'affirmes comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé dans son Coran, sans même rentrer dans plus d'explications. طيب. وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه واعلم أن القصور في علمك أو في فهم أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. Et tourne ton affaire vers celui qui a descendu ce Coran, car c'est lui qui sait. Et sache que s'il y a un quelconque manquement, cela vient de ta personne ou de ta compréhension. Mais en aucun cas on trouvera dans le Coran une quelconque contradiction. قَالَ وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَشَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ كَمَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Et c'est le but visé de la parole qu'on vous a lue la semaine dernière de Cheikh l'Islam, lorsque il parle que Allah subhanahu wa ta'ala a regroupé entre les deux. Lorsqu'il dit qu'il a regroupé entre les deux, il parle de quoi? C'est quoi les deux? Moussa. Entre les deux, en fait, qu'il dit qu'il est outil ici avec nous. Lillahi darak. Entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala affirme dans le même verset qu'il est au-dessus des cieux et dans le même verset. Il dit qu'il est avec nous. Tamam? Donc le fait qu'il est rassemblé entre deux choses qui pourraient paraître contradictoires, ça montre qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction, sinon il ne les aurait pas regroupées dans le même endroit. Et qu'il y a bien une compréhension correcte et positive à extirper de ce texte. Fahim Tom? Voilà. وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آيات سورة الحديد ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه. Donc même là, l'imam Ibn al-Qayyim, il appuie ce qu'a évoqué son cheikh, l'imam Ahmed. يصلح قم ديز الإمام أحمد هذا اسمه لكن المعروف حين تقول أيوة الشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه أحمد، وهل هو إمام؟ نعم هو إمام، نعم، لكن عند الإطلاق إذا أطلقوا العلماء الإمام أحمد يقولون ماذا؟ يقولون الإمام أحمد ابن حنبل. على كل حال donc il a voulu renforcer les paroles de son cheikh, le cheikh l'islam, en évoquant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il était avec sa création, ou qu'il était avec ses serviteurs, tout en s'établissant au-dessus de son trône. Et il a fait le lien entre les deux affaires, comme c'est dans le verset de Sourate Al-Hadid. Hein, il nous informe qu'il a créé les cieux et la terre, et qu'il s'est établi au-dessus de son trône, et qu'il est avec sa créature, ou qu'il est avec sa création, par sa vision, la vision de leurs œuvres, hein, tout en étant au-dessus de son trône. Tout en étant au-dessus de son trône. كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. Donc le fait qu'il soit élevé, ça ne contredit pas le fait qu'il soit présent avec nous, tout comme sa présence ne contredit pas le fait qu'il reste élevé au-dessus de toute chose. Tamam. والوجه الثاني, donc ça c'était le premier point de vue. Hein, le premier point de vue, tout simplement, est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé entre le fait qu'il soit élevé et le fait qu'il soit avec nous. Le deuxième point de vue, أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه وتعالى من باب أولى وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. Deuxièmement, la réalité du fait d'être présent, hein, en arabe ne contredit pas le fait d'être élevé dans le même moment. Taïb, on peut regrouper les deux lorsqu'il s'agit d'une créature. On peut regrouper les deux attributs lorsqu'il s'agit d'une créature. Donc on peut dire, nous étions en train de voyager et la lune est avec nous. Ou les étoiles sont avec nous. Ça se dit, même dans la langue française, ça se dit. Mais est-ce que ça signifie que la lune est descendue sur terre? Là. Ça signifie qu'elle nous accompagne par Mala, sa présence visuelle. Fahimtou? Donc si c'est acceptable pour une créature, pour le créateur, mimba bin aula, d'une manière plus évidente encore. Fahimtou? وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية عليكم السلام قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذة عن يمين أو شمال. En langue arabe, quand tu dis je suis avec, le fait d'être annexé. Comment on traduirait le ma'iyya? Hein? Être accompagné. L'accompagnement. Voilà, l'accompagnement. Taïb, c'est mieux que de dire la présence. Taïb. Donc là, Cheikh l'Islam, il dit que le mot ma'iyya, qu'on pourrait traduire comme yani, l'accompagnement, hein, Allah nous accompagne, ça ne sous-entend pas que cet accompagnement, il y a un quelconque contact. Il y a un quelconque contact dans cet accompagnement. Comme le fait de dire que la lune est avec nous. Ça ne veut pas dire que la lune est avec nous, c'est-à-dire elle nous touche ou elle est sur Terre. Non. Ou pareil, tu peux dire... Hein? Oui. Non, mais là, on prend des exemples d'autres qu'Allah. Par exemple, j'ai dans ma voiture, j'ai des livres. Quelqu'un vient me demander, est-ce que tu as le... est-ce que tu as le livre sur la sirah? Je te dis, ouais, Naïm, il est avec moi. Mais est-ce qu'il est avec moi? Yani, Mubashiratan? Là. Mais ça se dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette expression-là, elle est compréhensible pour une créature, donc pour le créateur, d'une manière encore plus évidente. Naïm. Fa'idha quyyadat bima'na min al-ma'ani dallat ala al-muqarana fi dhalika al-ma'na. Donc en fonction du contexte de la phrase, tu vas comprendre, tu vas pouvoir comprendre quel est cet accompagnement. Est-ce que c'est un accompagnement où il y a contact ou non? Fahimtum? طيب فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة حقيقة وصدق رحمه الله فإن من كان عالما بك ومطلعا عليك ومهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك وجميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. Donc Cheikh al-Uthaymeen conclut les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah en disant que il a certes dit vrai, celui qui est connaisseur de toute ta situation, de toutes tes situations, tous les moments que tu rencontres, qui a une vision totale et absolue sur toi, qui a une domination sur toi totale, et qui entend ce que tu dis, qui voit ce que tu fais, qui gère toutes tes affaires, toutes tes affaires. Celui-là, il mérite d'être qualifié comme étant avec toi, comme étant avec toi ou comme t'accompagnant, même si il se trouve réellement au-dessus de son trône et au-dessus de toute la création. Tamam. قال الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Troisième point de vue, c'est de dire que si toutefois on suppose qu'on ne peut pas, pour une créature, on ne peut pas dire qu'elle est avec nous alors qu'elle ne l'est pas, comme dans l'exemple de la lune. Si toutefois on suppose qu'on ne peut pas dire ça par rapport à la lune, nous on dira que la lune ou tout autre, ça reste qu'une créature. Donc, ce qui n'est pas faisable pour la créature, ça n'implique pas que ce n'est pas faisable pour Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Laysa kamithlihi shay ». Il n'est nullement comparable à quoi que ce soit. Donc, même si on viendrait nous dire « Ouais, mais là, vous avez extrapolé », on ne peut pas rassembler à la fois le fait d'accompagner et de ne pas être présent. Hein? On dira Ça, c'est le cas des créatures, mais pour Allah, c'est possible. Et rien ne lui est impossible en cela. Fahimtum? C'est bien clair tout ça? وإلى إلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه وقريب في علوه. كلام جميل وفصيح. هو علي في دنوه وقريب في علوه. Donc, Cheikh al-Islam, il te dit que tout ce qui a été évoqué dans le Coran et dans la Sunna, indiquant sa proximité, indiquant son accompagnement, ne contredit pas qu'il soit élevé, qu'il soit au-dessus de toute chose. Car certes, il n'a nul n'est comparable à lui dans tous ses attributs. Nul n'est comparable à lui dans tous ses attributs. Donc il est le haut, il est le très haut, il est le plus haut avec sa proximité. Il est le très haut avec sa proximité. Et il est le proche avec son élévation. Il est le proche avec son élévation. نعم. قال شيخ الإسلام قال شيخ العثيمين تتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. Donc là, il passe à une autre partie de ce point en évoquant que les gens vis-à-vis des textes qui concernent l'accompagnement d'Allah, ils se sont divisés en trois catégories. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة. طيب. ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. طيب. Le premier groupe sont ceux qui disent que l'accompagnement d'Allah Azza wa Jal sous-entend sa connaissance et le fait qu'il cerne de par elle toute chose. Tamam. Et ça, c'est un accompagnement, une ma'iyya am. C'est une ma'iyya qui est globale, qui s'applique à tout un chacun parmi les êtres humains et les djinns. Cette ma'iyya là, c'est celle qu'on appelle l'âme. Elle s'applique à tout un chacun parmi les hommes, parmi les êtres humains et les djinns. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les cerne de toutes parts par sa connaissance. طيب. ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة. Et on rajoute à cela qu'il les accompagne par son secours et par son aide lorsque son accompagnement est il n'est plus général, mais il est spécifique. Spécifique à qui? Aux croyants parmi les êtres humains et les djinns. Tamam. Ma'a thubuti 'uluwi, tout en affirmant que son être est au-dessus de toute chose et qu'il s'établit sur son trône. Donc cela, ceux qui disent cette parole-là ou qui ont cette croyance-là, ce sont les pieux prédécesseurs. من السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. C'est la voix des pieux prédécesseurs parmi les compagnons du prophète ﷺ et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Et ça restera la voie à suivre jusqu'à la venue de l'heure. والقسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. طيب le deuxième groupe sont ceux qui prétendent que l'accompagnement d'Allah s'accomplit ou sous-entend qu'il est présent sur terre, et que cela rend caduque son caractère élevé. Cela rend caduque et annule le caractère qu'il soit élevé au-dessus de toute chose, et qu'il se soit établi au-dessus de son arche. Et ces personnes-là, ce sont ceux qu'on appelle les gens Mada al-Hululiyya. Comment se traduirait al-Hulul? Al-Hululiyya. Yani, on va le laisser en arabe comme ça. M'a fait jusqu'à. Donc cette secte-là, c'est une secte qui concerne Mada, ou qui s'appelle plutôt Al-Hululiyya. Min qudama al-Jahmiyya wa ghayrihim wa madhhabuhum batil. Donc, c'est une secte qui découle de la secte des Jahmiyya et d'autres sectes. Donc, eux, ils ont pour but de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est présent avec son être. Par exemple, ils vont dire Allah, il est dans la mosquée. Bel, certaines sectes, comme la secte des soufis, hein, pour leur machère, ceux qui ont atteint des degrés plus ou moins élevés dans cette secte, eux, ils vont même jusqu'à dire des paroles insensées, comme Mada, laysa fil jubba illa hu. Et quand ils disent yani dhamir huna yarji ila man ila Allah. Ha? Adonno hada al kalam al bou siri. Al muhim. Et ça, c'est considéré comme étant le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sur terre et qu'il n'est pas élevé. Quel est le jugement d'une telle croyance? Hein? C'est du kufr. Eh naam, c'est du kufr. Le fait de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sur terre, c'est du kufr. Le fait de penser qu'il n'est pas fawq arshah, qu'il n'est pas établi sur son trône, c'est du kufr. Le fait de penser qu'il n'est pas élevé, c'est du kufr. Naam. Wal qism ath-thalith yaquluna inna ma'iyat Allah لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. Et troisième parole, c'est ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est bel et bien présent avec son être sur terre, mais en même temps, il est au-dessus de son trône. Tamam. وهذا ما حكمه. Et ça, ce genre de parole, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce genre de parole? Mais eux, ils ont dit quoi? Eux, ils ont dit bi'ilmihi wa qudratihi. Ils ont dit il est là, il est sur terre, il est présent sur terre, et en même temps il est élevé. Mahmoud, il dit c'est pas du kufr. Non, on peut pas dire kufr. Mahmoud. Hein? Eux, ils disent il est là par sa présence, yani par son être, il est là, il est sur terre, et en même temps il est فوق العرش. فهذا كذلك كفر، لأنه ماذا؟ إنكار ل ماذا؟ أو يعني تنقص تنقص يعني ماذا؟ Pourquoi on dirait que c'est du kufr? Aïwa. Parce qu'ils l'ont fait rentrer dans sa création. Tamam? Allah subhanahu wa ta'ala la yuhituhu shay. Et Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le cerner. Aucune créature ne peut cerner Allah azza wa jalla. Or, si il est dans sa création, ça veut dire que forcément il y aura des créatures qui seront au-dessus de lui ou à côté de lui. وهذا مستحيل. طيب. On termine ce passage. وقد زعم طيب قال الشيخ الإسلام وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقال وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر القرآن أو ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. Donc Cheikh Al-Islam dit, ceux qui ont prétendu cette dernière parole là, ils ont prétendu qu'ils ont pris les sens apparents des versets parlant sur l'accompagnement d'Allah, tout en affirmant les sens apparents des versets qui évoquaient son élévation. Et en vérité, ils ont menti en cela. Ils n'ont pas pris les sens apparents, ils se sont égarés. Car certes, les textes qui parlent de l'accompagnement d'Allah ne sous-entendent pas qu'il soit bel et bien présent dans sa création. On va s'arrêter là pour ce dars.